Auditrice, amis auditeurs, vous êtes à l'écoute de RGM, émission Le calendrier des esclavages et des libérations. Alors ce soir, le calendrier bien sûr, Jean-Luc Mélenchon, 10 juin, en direct, prise de parole, hein, oui, comme ça, bon. 500 familles ont doublé leur fortune, 500 familles ont doublé leur fortune, par Adrien Quatennens. Yves Coppens, Un monde, un regard. Thomas Pesquet, Un monde, un regard. Public Sénat, les deux. Hein. Yves Coppens et Thomas Pesquet. Il y en a un qui travaille dans le passé très ancien, Yves Coppens. Enfin, sur le passé très ancien, Yves Coppens. Et Thomas Pesquet, lui, travaille sur l'avenir, on dira. Hein. Règle de base, ne jamais se fâcher avec Rachida Dati. Là, c'est Charline Van Honecker. Hein? Il faut bien rire un peu de temps en temps. La politique ne nous fait pas beaucoup rire. Ah non, pas du tout, hein. Ah, c'est grave. Mais bon, voilà, on peut rire un peu quand même des politiciens, si on ne peut pas rire de la politique. Alors, Béatrice Pierrat dit merci aux électeurs, et puis une petite revue de presse, voilà. Bonsoir.

Espagne, un décret favorise le développement du mouvement coopératif. 1901, France, à Trélazé dans le Maine-et-Loire, un tract invite la population à soutenir par le don d'un malheureux sou quotidien les ardoisiers de Trélazé en lutte depuis 15 jours. Ses camarades, ses femmes et ses enfants ne demandent qu'un morceau de pain, jusqu'à ce qu'ils aient obtenu complète satisfaction à leur juste revendication. Mais c'était il y a longtemps, c'était en 1901, hein? Ah oui. Plus rien à voir avec la situation actuelle, bien sûr. Hein? Ah oui. 1902, Espagne. Une circulaire du ministère public du tribunal suprême reconnaît le droit de grève tout en fixant ses modalités. 1907, France. Suite à la révolte des vignerons, le préfet de l'Aude proclame l'état de siège à Narbonne. 1915, France. À 15 h, près de Prouilly, dans la Marne, exécution par des Français de 9 volontaires russes combattants de l'armée française. Leur crime, ils avaient été versés dans la Légion étrangère. Suite à des sévices commis sur deux de leurs camarades, ils s'insurgèrent et demandèrent de combattre pour la République avec des soldats citoyens français. Ce motif fut suffisant pour le tribunal d'exception qui prononça la peine de mort. Ah, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Ce n'est pas des électeurs de 2022 qui, hein? Non, les électeurs de 2022, ils sont super intelligents. Oui, ben oui, ils ont voté pour Macron. 1919, Allemagne. La première émeute de la faim éclate à Mannheim. Eh oui. 1919, émeute de la faim. 1933, Hitler au pouvoir. 1939, Deuxième Guerre mondiale, des millions de morts. Eh oui, quand on vote, il faut réfléchir avant de voter, bordel de merde. 1930, Vietnam. La révolte paysanne de Cochinchine entraîne les 1100 ouvriers agricoles de la plantation Michelin qui se mutinent. Des ouvriers agricoles de la plantation Michelin qui se mutinent en 1930 au Vietnam. Oh! Oh! Oh là là, ils auraient mal voté, ceux-là. 1936, France. Lors du Front populaire. Oh, Front populaire, vous rendez compte un peu, le Front populaire, quelle expression. Promulgation de la loi sur les congés payés. Et voté le 11 juin par 561 voix contre une. 563 voix contre une. Cet été, la première fois dans l'histoire ouvrière et pour la première fois dans leur existence, les travailleurs pourront se reposer. Bricoler, partir à pied, à vélo ou en tandem. Le sport populaire va se développer. L'industrie de consommation des loisirs aussi. En 1936, les Français, ils étaient courageux. Eh oui, ils n'auraient pas voté pour Macron en 1936, les Français. Eh non, bien sûr que non. 1945, France, premier congrès de l'Union des femmes françaises. 1951, Iran. Le gouvernement Massadegh saisit les installations pétrolières de l'Anglo-Iranian Company. 1955, France, au chantier Pennouette de Saint-Nazaire, suite à des grèves tournantes qui durent depuis avril et suite au refus de la direction de discuter, les soudeurs débrayent. C'était en 1955, c'est pas en 2022 que les soudeurs débrayeraient en France, voyons. Eh non, ils votent pour Macron, ils débrayent pas. 1960, Sénégal. La République du Sénégal accède à l'indépendance. 1979, Nicaragua. Un journaliste américain est assassiné par la garde nationale. 1981, Allemagne. À Hambourg, 100 000 personnes manifestent contre les centrales nucléaires et la bombe atomique. Que de courage pour manifester. Mais oui, ben non, ben on peut voter pour Macron aussi. 1981, Iran, le conseil des mollahs juge Bani Sadr président élu et le déclare incapable politiquement. Celui-ci rentre dans la clandestinité et engage la lutte pour établir la démocratie. De nouveau perdu en Iran. Eh oui, la démocratie, ça se prend, et ça se perd. Eh oui, on peut perdre la démocratie. Eh oui, quand 52% des électeurs en France s'abstiennent, eh bien, ça veut dire qu'ils laissent faire n'importe quoi, par n'importe qui, n'importe comment, contre n'importe qui, c'est-à-dire qu'ils en subiraient les conséquences, eux et les autres. Eh oui, eh oui. 1981, Maroc, samedi, journée de grève générale, de trêve générale, pardon, pour protester contre la hausse excessive et arbitraire des prix. Elle débute dans le calme, mais les leaders syndicaux sont empêchés de donner leur mot d'ordre. Le gouvernement n'ayant pas réussi à éviter la grève, la brise dans le sang. Hein, c'était bien la grève. Non, il y avait un thé par erreur, voilà. Hein. La brise dans le sang. À 15 heures, les premiers coups de feu sont tirés par des tireurs d'élite, par des tueurs d'élite. La violence est déclenchée. À 17 heures, Casablanca est prise d'assaut. En 1981. Hein? C'est pas au Moyen-Âge. C'est pas au Moyen-Âge. Mais le Moyen-Âge, ben, il continue par-ci, par-là. Mais oui, par moment. Dans les pays non civilisés et dans les pays qui se disent très civilisés, qui se croient très civilisés. 1982, France à Paris, marche de la paix de 200 000 personnes suite à l'appel de 100 personnalités et des 85 organisations. Après Bonn, New York, Tokyo, Madrid, Paris emboîte le pas. On peut lire sur des banderoles « Non à la bombe à neutrons ».« Non à la bombe à neutrons ». « Nous voulons un monde de paix ».« Nous voulons un monde de paix ». L'équivalent d'un million de bombes d'Hiroshima existe déjà. 1982, Iran, Irak. La guerre entre les deux pays dure depuis 22 mois. Les Irakiens décident de retirer les troupes des territoires iraniens occupés. Alors, qui fournissait les armes aux deux belligérants? Hein? À votre avis, quels étaient les pays qui fournissaient les armes? Quels étaient les marchands d'armes, les fabricants d'armes qui fournissaient? Hein? À qui la guerre permet de faire fortune, d'agrandir sa fortune? Eh bien oui. 1984, Portugal. Otello de Carvalho, père de la révolution des œillets, ainsi qu'une quarantaine de personnes, sont arrêtés. Bon, voilà, ce sera tout pour le 20 juin. Mon petit livret s'arrête là. Thank you. Merci, mesdames, messieurs. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Elle est faite dans les conditions d'une situation assez inouïe où deux jours avant la clôture de la campagne, Emmanuel Macron, dans un moment de fébrilité bien visible, s'implique dans la campagne. Nous avons compris qu'il existait un système de sortie prétexte. Hier, il s'agissait d'inaugurer un dojo dans le cadre d'un plan sportif adopté depuis 2021 et aujourd'hui de présenter des brigades de gendarmerie mobile dont le plan a été décidé en mars dernier. Ce sont donc des sorties prétextes. On peut imaginer que le chef de l'État veut encourager la pratique du sport et de la gendarmerie mobile, mais alors il faudrait qu'il s'astreigne aux mêmes règles que celles de tous ceux qui ont des responsabilités politiques dans ce pays. Au nom de quoi, je vous prie, sur de tels prétextes, trouve-t-il le moyen de s'engager dans la campagne, pas seulement pour y émettre des idées qui lui sont chères, qu'il tient à cœur, mais pour dénoncer les autres, agresser, injurier, sur un ton qui est extrêmement pénible à supporter. Nous le voyons, par exemple, prendre la défense de certains fonctionnaires, je vais en parler dans un instant, mais il n'aura pas eu un mot pour les hospitaliers qui, hier, ont vu la ministre de la Santé quitter la réunion plutôt que de répondre à la question qu'un d'entre eux lui posait. Il n'aura pas eu un mot pour les diplomates qui ont pratiqué une grève massive pour dénoncer la destruction de leur métier et du réseau diplomatique français. Pas un mot pour les élèves de la nouvelle ENA qui savent que les plans et l'organisation de leurs études conduisent au chaos. Cependant, j'ai craint un instant que les propos qu'ils tenaient soient une sorte d'encouragement à un usage disproportionné et totalement mal adapté des forces de police que chacun a pu constater. En effet, il dit que je ne peux accepter que l'on insulte ceux qui risquent leur vie pour protéger la nôtre. Naturellement, personne n'a insulté la police, mais j'ai pris la responsabilité avec d'autres de dénoncer une doctrine d'emploi qui a abouti aux violences du Stade de France, à la brutalisation des passagers de la gare de l'Est, à qui l'on a envoyé la BAC et les gaz lacrymogènes au moment de monter dans les bus, et qui, en 4 mois, ont provoqué 4 morts pour refus d'obtempérer, ce qui est le signal absolu d'un échec total. Mais j'ai été rassuré, puisque après une phrase de circonstance, il a quand même bien voulu conclure sa péroraison par une autre phrase qui dit qu'il exprime une exigence de respect des règles déontologiques. C'est-à-dire qu'il comprend que les règles d'exercice de la violence, qui est celle de l'État, doivent suivre des règles déontologiques. C'est exactement le sens du Code de sécurité intérieure qui dit « Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. » Ce qui n'est absolument pas le cas de ce que nous avons vu dans cette interpellation qui a abouti à la mort de cette jeune femme de 21 ans qui a pris une balle dans la tête après que l'un des policiers qui intervenait ait tiré 10 fois sur le véhicule, alors que tout le monde sait que pour arrêter un véhicule, le plus simple est de tirer sur les pneus et pas sur le chauffeur et encore moins sur les passagers. Son propos contient toutes sortes d'agressions inutiles et auxquelles il est impossible de répondre puisque la mesure des temps de parole nous prive de cette possibilité. Quand je le vois, par exemple, dire que certains proposeraient des alliances baroques avec la Russie, tout le monde sait que ça n'existe pas dans notre pays. Il n'existe pas une seule organisation politique qui pardonne au gouvernement de M. Poutine d'être entré en Ukraine. et pas une ne demande autre chose que le retrait de la Russie. Par contre, il est certain que M. Macron lui-même a eu des propos qui ont été dénoncés par les Ukrainiens, parce qu'ils estimaient, ces Ukrainiens, que ces propos ne prenaient pas la mesure de la sévérité qu'il faut avoir à l'égard de la Russie. Je dis tout ça en prenant des précautions oratoires, mais enfin, c'est quand même assez récent pour que tout le monde se rappelle que le gouvernement ukrainien a dénoncé le fait que M. Macron ait proposé de ne pas humilier la Russie et qu'il tienne ses propos au moment où celle-ci est en train de tout saccager en Ukraine. Il est également assez profondément regrettable qu'il se sente obligé de dire que ceux qui s'opposent à lui fragilisent l'unité du pays. La démocratie ne fragilise pas l'unité du pays. Nous avons le droit de nous exprimer et nous avons même le devoir de le faire. Et dans une démocratie, l'opposition s'oppose et c'est un devoir pour elle de le faire, de sorte que les citoyens puissent prendre une décision en toute connaissance de cause et rationnellement. Ce que propose M. Macron, sur un ton qui est l'équivalent d'un discours d'il y a plus de 45 ans de M. Giscard d'Estaing, c'est un effet d'affolement qui ne sert à rien. Nous sommes dans une élection et nous faisons des choix, point final. Et il est normal que nous en fassions. Il est extrêmement grave d'accuser ses opposants de fragiliser l'unité du pays ou même de pousser à une guerre de religion, surtout quand on est celui-là même qui a montré du doigt les musulmans dans notre pays à travers la loi stupide, inutile et que nous abrogerons, dite de séparatisme. Cependant, j'ai au moins avec lui un point d'accord. Quand il dit « rien ne serait plus dangereux que d'ajouter au désordre mondial un désordre français », j'espère qu'il en tire la conclusion que si le résultat des élections donne une majorité à la NUPES, eh bien, il choisira les responsables du gouvernement, le responsable du gouvernement dans la NUPES, et comme ça se fait dans tous les pays démocratiques du monde, où c'est la majorité parlementaire qui choisit celui qui gouverne le pays ou celle qui gouverne le pays. Il serait triste et dangereux qu'il ajoute au désordre du monde le désordre français. Il a raison de dire que dans cette période délicate, des alliances de circonstances pour des postes ne sont pas les bienvenus. Et je l'invite à en informer l'alliance de circonstances qui s'est constituée autour de lui pour les élections législatives, avec notamment des divergences extrêmement sérieuses et profondes entre ceux qui la composent sur le départ de l'âge à la retraite. Monsieur Macron ayant rappelé, puisqu'il est revenu sur le sujet, que c'est à 65 ans, tandis que monsieur Édouard Philippe est pour 67 ans l'âge de départ à la retraite et les deux sont alliés. J'ajoute que tout le monde pourra naturellement applaudir à la phrase « il faut de la cohérence, de la compétence et de la confiance », c'est-à-dire tout ce qui manque à l'actuelle majorité présidentielle. De la cohérence, il n'y en a pas quand on change sans arrêt de point de vue, notamment sur la question de la retraite. Après avoir dit un temps qu'elle serait à 65 ans, ensuite que rien n'était obligé, après que l'on verrait d'ici à 2023, nous venons d'apprendre que cette affaire serait réglée dès cet été dans le discours du chef de l'État, dans le Tarn. Quant à la compétence, il est temps de rappeler que le moment dans lequel nous vivons est celui où la France a le déficit du commerce extérieur record, où il n'y a pas de croissance, voire de la décroissance, où le nombre de chômeurs est exactement le même que celui du début du quinquennat, à la condition de faire semblant de ne pas voir les 900 000 postes d'apprentis qui sont considérés comme des postes de travail, ce qu'ils ne sont pas. Je n'en dirai pas davantage, mais je ne crois pas que le chef de l'État puisse dire qu'il augmente la confiance à partir du moment où il s'adresse à nous sur ce ton, où il nous met en cause aussi durement et sans que nous puissions lui répondre. Il aurait été beaucoup plus simple de formuler toutes ces accusations dans le cadre d'un dialogue public, que l'on appelle d'habitude dans une élection un débat. Aucun débat n'a été accepté. Il s'organise une sorte de comédie qui aura lieu sur le service public, paraît-il, où on va traiter des sujets en général pendant peut-être une heure, peut-être deux. La France mérite mieux comme démocratie que ce mode de traitement. Il est temps que cela cesse et c'est la raison pour laquelle, puisqu'il reste si peu de temps, eh bien j'ai dû prendre l'initiative de m'adresser à vous de cette façon pour dénoncer le traitement que subit notre démocratie. Pour dire que ce n'est pas au président de la République de mener la campagne législative que ses amis sont incapables de mener. Le président de la République vient d'être élu, c'est au chef du gouvernement, normalement, de mener la politique de la majorité parlementaire. Et ce serait mieux que ce chef, cette chef, accepte le débat. C'est trop tard. L'heure est passée, mais pour autant, ce n'est pas une autorisation de se livrer à tous les abus auxquels se livre M. Macron. Le rôle du chef de l'État n'est pas de venir à la rescousse du radeau de la Méduse, même pour le faire flotter encore quelques instants. Je forme le vœu que, comme il le dit lui-même, tout le monde s'intéresse à l'élection dimanche, et que dimanche, le pays donne au président le désaveu qu'il mérite pour ce type de procédé et cette façon d'organiser la discussion dans notre pays, en dramatisant tout et en tendant toutes les relations. Je vous remercie de m'avoir écouté. Sous l'effet de votre politique, parce que c'est pas tombé du ciel, qu'a-t-on vu? Monsieur Macron nous dit souvent, j'ai baissé les impôts de 50 milliards. En fait, la question c'est pas les impôts, c'est les impôts pour qui? Vous avez en effet baissé de 50 milliards les impôts, spécialement pour les plus riches de ce pays et les grandes entreprises, sans aucune contrepartie, sans qu'on en voie le résultat en termes d'activité et d'emploi. Par contre, laissez-moi terminer, Olivier Véran. Je vous ai écouté avec passion, je veux continuer à développer. Sous l'effet de votre politique, les 500 familles les plus riches de France sont passées en un quinquennat d'un patrimoine de 500 milliards à 1000 milliards. Résultat aujourd'hui, nous sommes dans une France qui fait l'effet suivant, 5 personnes, 5 milliardaires, possède à L5 autant que 27 millions de personnes. Voilà la France que nous avons sous les yeux avec des gens qui souffrent et des situations de quart monde à côté de petits îlots d'extrême richesse. Donc augmenter les salaires, bloquer les prix, faire en sorte que les gens ne vivent pas sous le seuil de pauvreté, ce sont des mesures salutaires. Et ce que vous ne dites pas non plus, c'est qu'en 10 ans, et j'en termine là, les dividendes versés aux actionnaires ont progressé de 70%. Ce sont des records encore en pleine crise, 84% d'augmentation en 2021, pendant que les salaires n'ont augmenté que de 10% et que l'investissement productif reculait. C'est nous qui allons remettre de l'ordre et le désordre, le bazar, le chaos du marché. Alors, c'est vous. Thank you. Notre invité fouille un passé très très lointain. Sa spécialité, c'est l'étude de l'os, des crânes, des vertèbres, l'analyse des dents. Il a passé une bonne partie de sa vie à rechercher des fossiles vieux de plusieurs millions d'années. Et heureusement pour lui et pour nous, il en a trouvé. Il a même trouvé des bouts de squelettes qui ont fait sa renommée internationale. Lucie, ça vous dit bien quelque chose ? Eh bien, c'est lui. Il fait partie de ceux qui ont découvert l'Australopithèque Star qui a révolutionné le monde de la paléontologie. Tout cela, on va l'évoquer bien sûr, car c'est toute sa vie, mais on va essayer de chercher plus. On va essayer de fouiller, nous aussi, de comprendre cette passion pour les ossements qui l'anime depuis qu'il est tout petit. Bienvenue dans Un Monde, Un Regard. Bienvenue Yves Coppens. Merci d'avoir accepté notre invitation ici, dans le Dôme Tournon du Sénat. Merci. Je le disais, paléontologue, paléo-anthropologue, auteur de Origine de l'homme, Origine d'un homme et de Le savant, le fossile et le prince. Vous m'avez dit un jour en interview, faire étalage de ma vie personnelle n'est pas dans mon habitude. Et pourtant, nous, on a envie de comprendre. On a envie de savoir ce qui vous a mené à cette passion pour la paléontologie. Je crois que c'est très tôt que ça vous prend. Oui, enfin, vous savez, d'abord on ne sait pas quand on est petit, quand ça se présente, quand ça se passe. Mais j'ai des souvenirs en cherchant bien dans ma grosse mémoire, c'est mon boulot la mémoire quand même. J'ai des souvenirs qui remontent probablement à 6 ou 7 ans, quoi. Donc quand même tout petit, et je pense qu'à ce moment-là, il n'y a pas de vocation bien installée, mais il y a l'imaginaire de l'enfance qui s'épanouit, et l'imaginaire, quand on s'aperçoit que sous vos pieds, dans l'enfoui, il y a beaucoup de restes d'informations sur ce qui s'est passé, l'imaginaire... En ce qui me concerne, en tout cas, c'est développé en souterrain, si je puis dire. Vos premières fouilles, vous les menez chez vous, en Bretagne, et vous avez deux surnoms. Vous avez Coco le Fossile et le Père Labrique. Oui, oui. Racontez-nous. Oui. Ben, Coco le Fossile, parce que j'étais fasciné, forcément, c'est dans la continuité, par les fossiles. Et Labrique, parce que je fouillais. Et quand vous fouillez dans des régions comme le sud de la Bretagne où j'étais... Vous rencontrez d'abord les périodes médiévales, par ordre d'importance, par ordre d'ancienneté, puis ensuite le romain, le gallo-romain, qui a été très important, puis ensuite le gaulois, ensuite le néolithique, etc. Mmh. Or, j'ai trouvé bien sûr des sites romains. Or, les sites romains, c'était des constructions. C'est pas très vieux, 2000 ans. Donc, les constructions, ce sont des briques pour construire la maison, des briques pour couvrir la maison. Et je rapportais toujours des tonnes de briques chez moi, que j'ai d'ailleurs offertes au musée local qui ne veut pas savoir qu'en faire. Et donc, les copains, gentiment, m'appelaient le père la brique parce que j'avais toujours une brique dans ma poche. Alors, il y a les briques à bord, comme ça, qui s'appellent des tégulés, c'est pour construire. Et puis, il y a les briques rondes qui s'appellent des imbrices, c'est pour couvrir. Et ça, j'en ai plein, quoi. J'ai de quoi construire une villa, si ça vous fait plaisir. Une villa romaine, ça vous... Des décennies plus tard, vous l'avez toujours, cette même passion? Ah oui, absolument. Oui, ça ne s'est jamais éteint, jamais amoindri? Vous non. Êtes toujours autant... Elle a évolué, forcément. Ouais. Non. Elle est permanente. Elle est permanente. Puis maintenant, elle ira sans doute jusqu'au bout. Hein. Je ne vois pas pourquoi elle s'arrêterait. Et je travaille tout le temps, mais évidemment beaucoup moins sur le terrain. D'abord parce que je ne vois pas très clair, ensuite parce que je marche moins bien. Mm-hmm. Mais la passion est permanente. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Méfiez-vous. Quand est-ce que ça devient sérieux, que ça devient une vraie vocation? Ça devient sérieux quand ça devient professionnel, quoi. Ouais. À quel moment pour vous? C'est devenu professionnel au moment où je me suis engagé, étant étudiant, dans des chantiers de fouilles. D'accord. Et c'était des chantiers de fouilles aussi en Bretagne, parce que j'ai commencé par l'université de Rennes avant de passer à la Sorbonne. Et à l'université de Rennes, il y avait des cours de préhistoire, mm-hmm. auxquels je me suis tout de suite inscrit. Et puis, le préhistorien de l'époque conduisait des chantiers de fouilles. Mm-hmm. Et là, j'ai été fouilleur, j'ai été petite main. Donc, au contact de la matière, de la pierre. Absolument. Et ça, c'est un déclic pour vous. Des chantiers superbes. Mm-hmm. Je vous raconte rapidement un, quand même, qui me tient à cœur. C'était juste mes 20 ans. Et c'était à Carnes. Carnes, c'est une petite île du nord du Finistère. Mmh. Il y avait une petite butte. On était trois copains. Et donc, on a fait d'abord le plan de la butte, sur le plan topographique. C'est tout. Donc, on s'est dit, c'est une petite colline ou c'est artificiel. Et puis, on a fait un trou, plutôt du côté de l'est. Et on est tombé dans une sorte de petite fosse. Petite fosse avec des pierres levées et des pierres couvrant la fosse. On a fouillé ça et on a trouvé quelques bouts de poterie. Mmh. Mais il y avait un petit mur d'un côté, un petit mur de l'autre. Alors on a sondé Et le petit mur d'un côté était creux de l'autre côté, c'était creux. Et c'est moi, sur les trois qui étaient le plus mince, pardonnez-moi, les autres ne savaient pas ce qu'ils sont devenus, et c'est moi qui suis passé le premier à travers ce trou, et je suis rentré dans une salle comme celle-ci, là, une salle en dôme, une salle en dôme, oui. de 7000 années, avec des pierres en encorbellement, et c'était une sépulture collective, et c'était la première fois depuis 7000 ans que quelqu'un est rentré là-dedans. Quand on a 20 ans et qu'on a ce genre de d'anniversaire, c'est formidable. Et détail intime, ma maman m'a dit quand même, pour tes 20 ans, tu vas revenir à la maison. Je dis non, c'est vous qui venez sur le terrain. Donc mes parents sont venus dans cette petite île de Carnes pour voir le ça s'appelle Tholos, pour voir la première coupole de ma jeunesse, quoi. Est-ce que vous avez ressenti ce genre d'émotion, cette même émotion, lors de vos fouilles en Afrique? Je crois que 1960 a été aussi un tournant. Vous êtes parti au Tchad. Là aussi, oui. Ça a été des moments de fouilles et de recherches et de découvertes émouvantes. Absolument. Mais ça a été deux sortes de découvertes. D'abord, la découverte d'un autre ailleurs, et en l'occurrence de l'Afrique noire, l'Afrique tropicale, qui m'a enchanté, dans laquelle je rêvais depuis longtemps et qui a correspondu tout à fait à mes rêves, d'une part, et d'autre part, le terrain, quoi. J'ai allié, au fond, la recherche archéologique et le bonheur d'aller me balader à travers la terre entière. Mmh. Et j'ai trouvé des quantités de choses, et comme vous le dites, comme vous l'évoquez, en 61, dès 61, alors que j'étais en 60 au Tchad, j'ai eu un premier crâne fossile qui est moins vieux que je ne pensais au départ, mais qui quand même a été une sorte de passeport, quoi. Mmh. Passeport international, je veux dire. Quand là, vous passez êtes dans la cour des grands, là, vous faites une découverte majeure. Quand vous êtes tout jeune, et puis que on vous suit un petit peu, mais de loin, et puis que vous arrivez avec un petit crâne fossile, très fossilisé, avec encore du grès partout, sur les bras, tout d'un coup, l'Amérique a un regard. J'ai été invité dans une fondation américaine. Les chercheurs dans le reste de l'Afrique, chercheurs britanniques du Kenya, d'Afrique du Sud, ont un regard. J'ai été invité partout. Oui. Et puis, une fois invité partout, vous êtes, comme vous dites, dans la cour ou dans la classe des grands anciens. Et puis, ensuite, vous faites votre chemin et vous devenez ancien vous-même. Vous savez si c'est encore possible, ce genre de recherche, dans ces zones africaines où il y a une forme d'insécurité pour, j'imagine, les chercheurs occidentaux? Vous savez si c'est encore possible? Dans certaines régions, c'est toujours possible, mais c'est plus dangereux, non pas de se faire tuer, mais surtout de se faire prisonnier. Kidnapper. Parce que quand on est fait prisonnier, c'est une monnaie d'échange, c'est une façon de parler de soi, et c'est d'autant plus dangereux, quoi. Mais du coup, ça freine les chercheurs, ça freine aussi, du coup, les découvertes? Bien sûr, oui, forcément. Oui. C'est un drame pour votre science? Forcément. Oui, bien sûr, à plusieurs reprises, par exemple au Tchad, moi j'ai cessé d'y travailler en 66, et c'est dans ces années-là, un petit peu plus tard, que Françoise Cloustre a été faite prisonnière et qu'elle est restée quand même 3 ans. Dans le Tibesti, 3 ans aux mains de gens que je connaissais, en fait, que j'avais connus plus jeune dans le Tibesti, quoi. Hissène Habré, je le connaissais bien, qui est devenu après président de la République du Tchad. Mmh. Et en Éthiopie, il y a eu aussi un changement de régime. L'empereur que j'ai bien connu, c'est marrant, hein. L'empereur, c'était presque un grand-père pour moi, c'était drôle. Nos rapports étaient à la fois protocolaires et familiaux. Oui. Et l'empereur a été destitué, puis après il a été fait prisonnier, puis après il a disparu, il a été probablement exécuté. Et s'est installé un régime autoritaire avec un colonel qui s'appelait Mengistu, et il y a eu 10 ans d'arrêt de recherche avant la reprise. Mais oui, on est bien sûr soumis aux conditions politiques de différents pays dans lesquels on travaille. Je voudrais vous montrer un document, Yves Coppens. C'est un document qui nous a été donné, prêté par les Archives nationales, qui sont nos partenaires pour cette émission Un monde, un regard. Je vous le donne. Je vais le lire, hein, pour les gens qui nous écoutent. Oui, c'est l'arrêté napoléonien de nomination d'Édouard Lartet à la chaire de paléontologie du Muséum d'histoire naturelle le 31 mars 1869. Alors, Édouard Lartet, c'est une figure majeure de la paléontologie. Je ne vous apprends rien. Paléontologue, préhistorien, historien français du 19e siècle, il a découvert le premier grand singe fossile. C'est ça, sa révolution? Oui. C'est en cela qu'il a révolutionné votre science? Oui. Enfin, c'est quand même très impressionnant, bien sûr. Dans les Pyrénées, il a fouillé. Enfin, c'était un amateur, mais un amateur éclairé, comme on dit. Un amateur qui travaillait vraiment beaucoup, qui était très provincial. Alors, je dis pas ça méchamment, mais il avait un peu ce complexe, surtout à l'époque. Mmh. D'être en province alors que Paris dominait la situation, y compris scientifique. Mais il venait à Paris souvent, il était en rapport avec les professeurs du muséum qui le fréquentaient et chez qui il apprenait aussi beaucoup de choses. Et lui fouillait dans son sud-ouest, et avec grand succès. Et le fait de découvrir le premier primate, quand même, ici en Europe, Le premier primate fossile a été un grand coup. Et évidemment, comme chaque découvreur de primates, on a l'impression qu'on découvre l'origine de l'homme tout de suite, à chaque fois. Mais justement, l'idée que l'homme descendrait du singe, c'est en partie lui? Ben c'est en partie d'abord Buffon, et puis après, bien des gens avant d'ailleurs. Un certain Vanini au XVIe siècle qui, du coup, lui, s'est fait brûler. On ne dit pas n'importe quoi, n'importe quand. Et puis ensuite Buffon, et puis ensuite Lamarck, et puis ensuite Darwin, etc. C'est-à-dire que le lien, la grande filiation de toute l'histoire de la vie, elle s'est bien installée jusqu'à la découverte de l'ADN qui a confirmé. Songez que le petit virus qui nous embête en ce moment, il a un ADN. Comme nous avons un ADN, le sien est plus simple et le nôtre plus compliqué. Mais il n'empêche que ça signifie que ce petit virus et nous sommes cousins. Toute cette histoire de la vie est l'histoire d'une famille. Alors des cousins plus ou moins lointains, mais évidemment, ils sont d'autant plus proches qu'ils sont primates. Et les primates les plus proches, ce sont tous ces primates fossiles. D'ailleurs, je voudrais insister là sur une histoire. La découverte de l'Arthès, ça veut dire Miocène, enfin peu importe, mais du point de vue géologique, ça s'appelle Miocène. Miocène moyen, Miocène supérieur. C'est-à-dire que c'est autour de 15 millions d'années. Et à 15 millions d'années, tout le sud de l'Europe était tropical. Actuellement, il y a ce changement climatique avec la chaleur qui monte, pas trop aujourd'hui, mais quand même, la chaleur qui grimpe. Et cette chaleur qui grimpe va faire de notre probablement une nouvelle fois, c'est déjà connu des géologues, une nouvelle fois de tout ce sud européen, une zone tropicale. Donc on va peut-être voir les singes revenir et nous-mêmes changer de couleur, puisque notre adaptation à un ensoleillement plus fort exigera une couche de mélanine. C'est drôle tout ça, non? Alors oui, et on y reviendra peut-être sur cette question de l'environnement qui joue sur nous, humains, mais je voudrais revenir sur cette question de l'homme et du singe. L'un de vos confrères, le paléo-anthropologue Pascal Pic, a poussé un coup de gueule un jour dans Le Monde en disant ceci: l'homme ne descend pas du singe, il a des ancêtres communs avec lui, c'est très différent. Et pourtant cette phrase, elle circule, que l'homme descend du singe. On a tous en tête ce schéma de l'homme qui... Enfin, du singe qui se redresse progressivement pour devenir homme. Est-ce qu'elle a fait du mal, cette idée populaire que l'homme descendrait du singe, jusqu'à éloigner des croyants de la science, par exemple? Ça choque un petit peu, mais à partir du moment où ce qu'on appelle les primates, qui sont les singes, quoi, faut pas se voiler la face, à partir du moment où les primates commencent il y a 80 millions d'années, et que toute cette histoire est une histoire de singes, jusqu'à la différence entre les chimpanzés et les humains, vers 10 millions d'années, toute cette histoire-là est une histoire de singes. On dit primates, mais encore une fois, c'est... Mais vous l'entendez que ça éloigne des gens de la science, et de dire, mais non, mais moi je descends pas du singe. Il y a ce discours créationniste qui dit, non, l'homme a été créé tel quel par Dieu. Il est évident que la voix de la science nous dit, bien sûr, que nous sommes parents de tous les singes de la Terre, et que nous descendons, bien sûr, de singes. Nous ne descendons pas du singe, parce que dans la tête des gens depuis longtemps, c'est le chimpanzé. Donc nous ne descendons pas du chimpanzé, parce que les chimpanzés sont nos cousins, mais nous descendons d'un singe de 10 millions d'années, ça veut dire qu'on descend du singe, quoi. Je pousserai le coup de gueule contraire. si nous descendons bel et bien du singe, faut pas se... Encore une fois, se voiler la face. Vous êtes donc parmi, je le disais en introduction, ceux qui ont découvert Lucie, le 30 novembre 1974, je crois, en Éthiopie. Absolument. Et vous avez dit un jour, trouver Lucie fut miraculeux. Pour ceux qui n'y connaissent rien, comme moi, expliquez-nous, réexpliquez-nous pourquoi Lucie a été à ce point une découverte miraculeuse. Parce que Lucie est une pré-humaine, oui. Pas encore une humaine, une pré-humaine d'un peu plus de 3 millions d'années. Pré-humaine pourquoi d'abord? Parce qu'elle marchait et grimpait, c'est ça? C'est ça. Et parce que l'humain a d'autres caractéristiques qui sont le développement du cerveau, ce qu'elle n'a pas, qui sont le développement des voies respiratoires supérieures, qu'elle n'a pas, et puis qui sont la transformation des dents, parce qu'il y a un changement de régime et que nous mangeons de la viande, pas elle. Donc Lucie est une préhumaine, et au moment de ces préhumains, c'est-à-dire un peu plus de 3 millions d'années, que l'on connaissait depuis 1925, puis 1924 même, 1924, publié en 1925, tous ces préhumains-là, on en trouvait un bout de mâchoire par ici, un bout de dent par là, un bout de crâne par ici, un bout de fémur par là, c'est tout. Tandis que là, tout d'un coup, dans le même secteur, de manière miraculeuse, je reprends le mot, on trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 52. 52 restes du même individu. Et 52 restes du même individu, étant donné qu'on est symétrique, quand on a un bout d'humérus droit, on fait l'humérus gauche. Quand on a un bout du tibia gauche, on fait le tibia droit. Et donc, on a reconstitué la silhouette du personnage en question. Et tout d'un coup, dans la tête des gens et dans la tête aussi des scientifiques, au lieu de reconstituer comme ça, à partir d'une mâchoire, un personnage, on peut reconstituer quelqu'un de manière assez vraisemblable. Donc le petit personnage de Lucie est devenu tout d'un coup vivant. Autrement dit, on dit c'est la plus complète, c'est pas vrai, mais je dirais de manière plus modeste, c'était à ce moment-là la moins incomplète des préhumaines. Et elle est devenue un mythe. Elle est devenue un mythe pour l'opinion publique. Oui, ah oui. Est-ce qu'elle a aussi bousculé les codes de l'homme préhistorique? Le fait que ce soit une femme, est-ce que ça a pu jouer dans... Le fait que ce soit une femme, ça a sûrement joué dans sa réputation. Mm. Je veux dire que le fait qu'elle soit petite, qu'elle soit ancienne, qu'elle soit exotique, qu'elle soit reconstituable, le fait qu'elle soit, entre guillemets, à l'origine de l'humanité ou pas loin, le fait qu'elle soit en effet une femelle... Et le fait qu'elle ait aussi ce nom que beaucoup de gens connaissent, tout ça est intervenu. Mm. Et en fait, elle est à terme aujourd'hui, elle est moins importante qu'elle n'était au moment où on l'a découverte, puisqu'on a trouvé plus vieux, on a trouvé plus complet, etc. Mm. Mais ceci dit, elle est en effet restée le symbole. Et en ce sens, étant l'icône de l'origine de l'homme, ça nous a facilité beaucoup la tâche d'enseignement, la tâche d'éducation, la tâche de diffusion de la science, d'information, de l'archive. Je voudrais qu'on parle aussi d'environnement. Vous en avez déjà un tout petit peu parlé, Yves Coppens. Peu de gens le savent, mais c'est vous qui êtes à l'origine de la charte de l'environnement adossée à notre Constitution. C'est votre commission, ce sont vos travaux qui ont servi de base à l'élaboration de cette charte, celle qui a donné en tout cas à l'environnement une existence constitutionnelle. C'est Jacques Chirac qui vous a confié cette mission. Est-ce que c'est une source de fierté? C'est un document majeur encore aujourd'hui pour nous. Est-ce que c'est une source de fierté, une étape importante de votre parcours? C'est une étape, oui. C'est une source de fierté, oui, en ce sens que je n'étais pas du tout préparé à faire ce genre de choses. Mm-hmm. Je suis arrivé comme un zombie dans ce monde de la politique. Et en plus, quand vous êtes nommé président d'une commission, quand vous arrivez au ministère de l'écologie, en l'occurrence, écologie et développement durable, vous vous apercevez que vous êtes président de rien du tout, d'une commission qu'il vous faut mettre sur pied vous-même. Donc, je suis parti de zéro, en quelque sorte. Et en ce sens, oui, c'est une certaine fierté, d'autant plus Mais vous aviez une sensibilité écologique. Pourquoi vous confiez-t-il cette mission, Jacques Chirac? Je ne sais pas. Il aurait fallu demander... Vous ne savez pas? Non, il aurait fallu demander à Chirac. Non. Moi, j'ai travaillé, en effet, comme je travaille, je suis paléontologue, je travaille sur les restes humains, bien sûr, c'est en ce sens que je suis paléo-anthropologue, mais je travaille aussi sur les restes animaux qui accompagnent. Alors, les restes animaux, ça donne une information sur l'environnement, et l'environnement donne une information sur le climat, etc. Mmh. Donc, j'avais travaillé sur les paléo-environnements, mais c'est tout. Et en l'occurrence, je crois que c'est Roselyne Bachelot qui a souhaité que je préside cette commission. C'est elle qui m'a appelé un jour. J'ai traîné les pieds et finalement, le lendemain, à son chef de cabinet, j'ai dit non. Et puis Chirac a pris le téléphone et puis finalement il m'a eu, quoi. Et vous ne pouviez plus dire non. C'était sincère cet engagement pour l'environnement de la part de Jacques Chirac, d'après vous ? C'était sincère. C'était un peu politique. Enfin, forcément, quand on est politique, on fait des actions politiques. Mmh. C'était un peu faire tourner vers la droite l'environnement qui auparavant était un peu à gauche, en gros. Autant que je sache, parce que je suis assez nul dans ce genre d'histoire. Mais c'était en même temps très sincère, très sincère. Et ce qu'il a souhaité, c'était sympathique pour moi, c'est que cette charte soit agrandie à l'Europe et puis finalement agrandie au monde entier. Mmh. Mais il est mort avant de réussir. Alors ce qui a été impressionnant pour moi, c'est pas de mener ce boulot. Moi j'ai l'habitude, enfin ça me plaît, je prends ça à bras le corps et puis je le fais vraiment. Et on a travaillé 10 mois de façon vraiment intense, vous pouvez pas vous imaginer. J'ai eu un contact avec à peu près 500 000 personnes à travers la France. Alors ça fait pas 66 millions, mais ça fait quand même pas mal. Mmh. Et à terme, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est que cette charte, ensuite, Chirac s'en est emparé. Elle est passée devant les chambres, y compris le Sénat, bien sûr. Mmh. Et puis ensuite, elle a été un peu amendée. Puis ensuite, elle est arrivée devant le Congrès. Et ensuite, elle est entrée dans la Constitution française. Eh oui. Oui. Alors, en ce sens, oui, je suis fier d'être dans la Constitution française. En un mot, tout de même, est-ce à dire que nous nous inquiétons à tort de ce réchauffement climatique ? Est-ce que vous avez confiance en l'humain pour s'adapter à tout changement climatique ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, oui. Mais on c'est pas à tort qu'on s'inquiète. Ce n'est pas à tort, parce qu'il y a un vrai changement climatique. Le vrai changement climatique, c'est un changement de température, ça sera un peu lent. Mais le changement climatique fait fondre le Groenland. Le Groenland, c'est 3000 mètres de glace. Et le Groenland fait qu'aujourd'hui, la mer monte. Enfin, c'est pas la peine de vous le dire, on le sait bien. Les gens qui sont au bord de la côte voient la côte s'effondrer, voient la mer gagner sur les habitations qui sont le pied dans l'eau. Mais on va avoir le temps de s'adapter ? Oui, parce que notre adaptation, elle est à la fois biologique, et en ce sens, c'est long, mais elle est aussi culturelle. Hein. Quand même, depuis 3 millions d'années, on a inventé la culture, grâce à notre petit cerveau qui s'est bien développé. Et cette culture, elle peut avoir la parade. Alors, ce que moi, je préconise pas, parce que je suis pas compétent, mais je trouve qu'on est un petit peu, on se bute un petit peu à l'histoire du CO2. Le CO2, ça a été notre mur. On est au bord du CO2, on ne pense que CO2, on ne pense que qu'histoire de carbone. Alors qu'on donnerait de l'argent, un peu plus d'argent à la science. La science trouverait peut-être un moyen de casser cette fichue molécule de CO2, et ça ferait du coup de l'oxygène du carbone. Songez que, enfin pour moi qui suis simplement observateur, songez que j'ai entendu à la télé, parce que je suis pas dans ce monde de l'astronomie, j'ai entendu qu'on avait envoyé un petit véhicule sur Mars, quand même. Et ce petit véhicule sur Mars, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a attrapé du CO2. L'atmosphère de Mars, elle est comme l'atmosphère de la Terre il y a quelques milliards d'années. Il a chopé le CO2 et il en a fait de l'oxygène. Oui. Alors, pas beaucoup. Mm. Et puis, ça doit être très cher, puis ça doit être très compliqué pour le moment. Mais je pense que la science peut trouver d'autres solutions. Mais en tout cas, on a sous le nez un petit véhicule de rien du tout qui nous fait ça, enfin, sous le nez, c'est beaucoup dire, là-haut sur Mars. Et puis, on en parle et personne ne relève cette histoire-là. Donc, j'ai l'impression que le CO2, c'est une espèce de butoir. On est le nez dessus. Vous savez, en mathématiques, ça s'appelle le pont aux ânes. C'est l'âne qui refuse de passer la petite rivière. Et en mathématiques, il y a un théorème sur lequel certains jeunes butent et ils ne vont pas au-delà, quoi. Yves Coppens, j'ai quelques photos à vous montrer. Celle-ci d'abord, c'est l'un de vos confrères, c'était le paléontologue kényan Richard Leakey, décédé début janvier 2022, paléoanthropologue sans diplôme. Ouais. Et c'est vous, je crois, qui l'avez appelé le plus grand découvreur de fossiles de tous les temps. C'est de vous que vient cette expression le concernant ? Bah, c'est un grand personnage. Au départ, en 63, il voulait pas du tout faire la recherche de ses parents. C'est normal. Là aussi, c'est comme mon père. C'est comme mes relations avec mon père, quoi. Il voulait pas du tout suivre la voie de ses parents qui fouillaient déjà beaucoup et qui étaient déjà fameux. Il voulait mettre sur pied sa propre organisation de safari. Et puis c'est tout. Mm. Et puis finalement, il a eu le virus, si j'ose dire. Il a été rattrapé. Oui. Et puis il a fait des merveilles, quoi. C'est un garçon brillant, intelligent, courageux. chapeau, quoi. Un trésor. Une deuxième photo, pour vous, une photo de vous avec Nicolas Sarkozy et Carla Bruni à l'occasion des 70 ans de la découverte de la grotte de Lascaux. Je vous vois sourire en voyant cette photo. C'est Nicolas Sarkozy, là encore, un président qui vous nomme en 2010 président du conseil scientifique chargé de la conservation de la grotte de Lascaux. Quel souvenir vous gardez de cette visite? C'est d'abord le titre et le boulot correspondant de président de la grotte de Lascaux, président du conseil scientifique de la grotte de Lascaux, m'a beaucoup intéressé. J'ai mené ça comme la charte. Hein, donc là, vous avez dit oui avec plaisir. À bras le corps pendant 7 ans. Ouais. Et puis, j'étais donc chargé de faire descendre dans la vraie grotte les autorités. Donc j'ai fait descendre d'abord Frédéric Mitterrand, puis ensuite Frédéric Mitterrand, et puis ensuite Nicolas Sarkozy, et puis ensuite Aurélie Filippetti, voilà mes joueurs. et la descente de Sarkozy, c'est très intéressant, parce que on arrive tous les deux avec sa femme, et on arrive tous les trois dans la grotte, et il me dit c'est formidable. Je dis, pourquoi vous parlez doucement? Ah, il me dit, en effet, oui. Vous voyez que c'est un sanctuaire. Vous êtes pris au piège. Ah, il me dit, c'est comme dans un temple, une église, une mosquée. C'est vraiment une bonne nouvelle quand on découvre une grotte comme celle-là où c'est un peu la condamnée de fait, puisque on va y faire des recherches, on y fait entrer l'homme et l'oxygène qui va potentiellement l'abîmer. Oui, parce que on était assez innocent à l'époque où ça a été découvert, en 1940. Et puis le propriétaire de l'endroit a voulu ouvrir, c'était bien, sa grotte au public. Mmh. Et donc, il a enlevé, songez, 1000 mètres cubes qui faisaient un bouchon à l'entrée de la grotte. Donc, une grotte qui est préservée comme une espèce de bulle à l'intérieur de la terre, bulle stable du même coup, avec une entrée qui s'était effondrée, et l'entrée, tout d'un coup, on l'ouvre, on enlève 1000 mètres cubes alors que la grotte fait 3000 mètres cubes. C'est effrayant. Tout d'un coup, on laisse entrer la pollution, le froid, la l'humidité. Enfin, on change complètement l'histoire biologique de l'intérieur de la grotte. Donc, c'est normal qu'il y ait eu des risques. Et c'est ça que moi, personnellement, et puis beaucoup d'autres avant moi, ont tenté de rattraper avec succès parce qu'on a refermé au fond. Et ouais. Yves Coppens, c'est une dernière question en lien avec ce lieu dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous sommes entourés de 4 statues qui représentent chacune une vertu. La sagesse, la prudence, la justice et l'éloquence. Laquelle vous parle le plus? Redites-moi ça. Sagesse, oui. Prudence, justice, éloquence. Oui, cette sagesse. Pourquoi? Parce que ça permet de faire beaucoup de choses. Ça n'empêche pas l'audace, avec la prudence qui convient. Moi, j'ai toujours, enfin, je dis pas moi, c'est pas un exemple, hein, mais dans mon existence, je crois, été très adaptable, très ouvert, très disponible, c'est important, très curieux, ça va de soi. Hein, un chercheur qui n'est pas curieux, c'est pas un chercheur. Et il m'est arrivé beaucoup de choses, et beaucoup de choses extraordinaires, extravagantes même parfois, parce que j'ai saisi ces occasions qui m'étaient offertes, tout en mesurant quand même les risques. C'est pas une toute folie, mais quand même c'est toute audace. Merci infiniment Yves Coppens d'avoir été notre invité dans Un Monde, Un Regard. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. On se retrouve très vite sur Public Sénat. Thank you.

Ce qui a été constaté, c'est une fraude massive, industrielle et organisée de faux billets. Puisque les préfiltrages évoqués par le Stade de France et la Fédération Française de Football prévoient plus de 70% de faux billets à l'entrée du Stade de France. Le journal de presque 17h17. Et vous trouvez ça drôle? Non, non, monsieur le commissaire, moi non plus. Et on commence par les titres. Dans ce journal, on parlera de Rachida Dati. Oh là, ouais, donc on fait un journal écrit en 2009. Et dans ce journal, on parlera aussi de François Hollande. Oh là là, oui, non, un journal écrit en 2002, plutôt. Ouais. Et enfin, dans ce journal, on parlera également de Alexandre de Vecchio. Oh là, bah on bascule directement en 1930, j'ai l'impression. Ouais. Un retour en arrière. Et on commence par la politique. Face aux nombreuses critiques sur la gestion des événements du Stade de France, Olivier Grégoire, porte-parole du gouvernement, a reconnu que, et je la cite, « les choses auraient pu être mieux gérées ». Oh, bah j'aurais pas dit ça, moi. Mais je trouvais ça cool, le truc du brumisateur sur les gosses qui avaient chaud, là. Mais Guillaume, c'était des lacrymos. Oh, là, mais qu'est-ce que vous pouvez être complotiste, en fait, Charline? Pas du tout. Bon, alors, malgré une version de plus en plus remise en cause... Oh, le complotisme, mais allez, ça recommence. Je continue, si vous permettez. Non, bah allez-y, mais bon, c'est un peu je limite. Je continue, oui, permettez-moi. Allez-y, allez-y. Vous permettez? Oui, mais c'est complotiste. Ne m'interrompez pas, je ne vous ai pas interrompu. Malgré une version de plus en plus remise en cause dans l'affaire des incidents du Stade de France, Gérald Darmanin a reçu le soutien et la confiance du chef de l'État. Bah évidemment, parce qu'il a tout bien fait, on vous dit, Gérald, le coup des massages gratuits offerts aux Anglais, ça c'était quand même super. Mais c'était pas des massages, c'était des coups de matraque dans les genoux. Et voilà, c'est complotiste, recommence le complotisme. Selon le canard enchaîné. Le canard, c'est le canard enchaîné. Deux. Mais non, mais le complotiste depuis le début. On peut pas. Je souffle si je veux, je souffle, je souffle. C'est pas Covid en plus. Vous allez dire que le Covid n'existe pas, bah bien sûr. Allez, enchaînons, ça souffler, fait déjà 15 minutes qu'on a commencé ce journal. Moi je peux souffler, si je peux souffler, vous pouvez souffler. Selon combien de temps que vous êtes ensemble le... On est à l'antenne encore là ou pas? Oui, Charles, a priori on est à l'antenne, on peut continuer. Allez, Charles, non, c'est parce que... Et quand c'est pas lui, c'est Vizorek. Et quand c'est pas Vizorek, c'est lui. Ils se sont entendus les deux. Voilà, là. Phrase typique de complotiste. C'est pas grave. Et le canard enchaîné, c'est oui, complotiste. Oui, canard enchaîné, c'est la formation suivante. Alors, on Emmanuel Macron, d'après le canard enchaîné, oui, a considéré comme pitoyable et honteux... Oui, son premier quinquennat, oui, comme tout le monde, ça c'est le classique, oui, on le savait, bien non, sûr. Non, non, quoi non et non, Emmanuel Macron a considéré comme pitoyable et honteux les violences au Stade de France. Ah pardon, oui, j'avais cru un éclair de lucidité d'un coup, mais en fait non, d'accord. Voilà, okay, allez, d'accord. Lucidité cette fois, ah, et en effet, hier, c'était le Conseil de Paris avec le retour d'Anne Hidalgo. Ah oui. Oui, si, si, Anne Hidalgo. Ouais. Et Rachida Dati. Oui, oui, oui. Pardon. A donc accueilli comme il se doit l'ancienne candidate à la présidentielle en lui reprochant son absence du Conseil de Paris. Cette présence est aussi anecdotique que votre score à l'élection présidentielle d'1,7%. Oui, ça fait mal. 1,7%. 20 000 voix. Bah oui, 20 000 voix. Eh oui. Eh oui, ça fait mal. Vous pouvez couvrir. Non mais plus vous allez couvrir, je vais le répéter, 1,7%. 1,7%. On rappelle les règles de base. Ne jamais se fâcher avec Rachida Dati. Jamais. Eh oui, jamais, oui, jamais, oui, jamais, oui, jamais. Transition. Oui, transition. Gilles Legendre est accusé de harcèlement sexuel et moral dans un signalement fait par Rachida Dati. On rappelle les règles de base. Ne jamais se fâcher avec Rachida Dati. Jamais. Jamais. Ouais, parce que quand Rachida Dati fâchée, elle toujours faire ça. Tout à fait. Hier, à l'occasion d'un déplacement en Corrèze, François Hollande a admis qu'il n'excluait pas de se présenter à la prochaine présidentielle. Oh, allez, là, l'espoir renaît, le rêve, le retour de François Hollande et qui sait peut-être demain, Pierre Jox ou Michel Charras. C'est incroyable, je comprends pas pourquoi les jeunes se désintéressent de la politique. C'est passionnant, quoi. Et pour résoudre la crise de l'hôpital, Emmanuel Macron promet... Oui, ça j'ai vu, des ouvertures de lits, l'augmentation des salaires du personnel soignant, non, etc. Non, il promet une enquête flash. Quoi? Ah bah, c'est une enquête, ouais, mais flash. C'est une enquête flash. C'est une enquête et flash. Une enquête flash, quoi. Ouais, moi non plus. Une enquête flash. Maintenant que j'y pense, pas con. Pas bête. Bruno Le Maire a qualifié Jean-Luc Mélenchon de Chavez gaulois, ce à quoi les insoumis ont répondu que c'était toujours mieux que d'être un Thatcher normand. Je comprends pas pourquoi les jeunes s'intéressent plus à la politique. C'est quand même passionnant. Et à l'international en Ukraine, eh bien, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, eh bien, il a imploré Emmanuel Macron de venir à Kiev et ce dernier a répondu qu'il le ferait en temps voulu. Le temps, bien sûr, de faire une enquête flash, j'imagine. Non, là, non, on est plus sur une investigation fissa. Ah, c'est bien, ça change. C'est bien. Et on termine avec le pape François qui a déclaré ce matin que l'on vit dans une ère des fausses nouvelles, de superstitions collectives et de vérités pseudo-scientifiques. Et alors, qu'est-ce qui vous amuse là-dedans? Vous pensez que Dieu n'existe pas, c'est ça, Charline? Bah, jusqu'à preuve du contraire, quand même. Qu'est-ce que vous pouvez être complotiste? Mais c'est pas vrai! Et les papillons, les abeilles, qui est-ce qui a créé ça? C'est pas la marque de la perfection divine, ça? Il a créé tout ça, regardez, la perfection, il y a autour de nous, tout ça, c'est parfait, c'est Dieu. Tout est parfait sur Terre. Même Alexandre de Vecchio? Bon, ouais, c'est possible que Dieu n'existe pas du tout. Quoi ce que vous voulez dire? Merci Guillaume Meurice. J'ai fait une petite enquête flash dans ma tête, et en fait, c'est possible que Dieu n'existe pas. Merci Guillaume. Bien, chers frères, j'étais venu ici dans l'intention de vous lire une lettre de Saint Paul adressée aux Corinthiens. Mais le temps me faisant défaut,

À toutes et tous, je vous envoie ce message aujourd'hui, lundi 13 juin, tout d'abord pour vous remercier d'être allé voter, et plus particulièrement pour le programme de la NUPES. Je remercie également tous les membres de l'équipe de campagne, sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Alors bien sûr, nous sommes déçus, il nous manquait peu de voix pour être au second tour, mais cette première étape, c'est d'abord un commencement pour recréer une vie politique, ancrer les idées de gauche, remettre l'humain au cœur, remettre les services publics sur le devant de la table dans ce territoire que j'aime profondément. Donc à bientôt pour d'autres échéances, d'autres aventures ensemble, et prenez soin de vous. Thank you. revue de presse. Après s'être soustraite à l'autorité des rois et des empereurs, après avoir proclamé 3 fois sa liberté, la France s'est soumise à des compagnies financières qui disposent des richesses du pays et, par le moyen d'une presse achetée, dirigent l'opinion. C'est récent, c'est récent, cette chose-là. Oui, Anatole France, 1908. Le capitalisme tend à détruire ces 2 sources de richesse. 2 points. La nature et les êtres humains. Qui a dit ça? Eh bien, c'est un certain Karl Marx, 1818-1883. Si les racistes réfléchissaient un minimum, ils voteraient pour le seul programme qui veut agir contre le réchauffement climatique et les guerres, raison principale des immigrations. Mais oui, mais être raciste et réfléchir, hein? Être con et intelligent en même temps, c'est pas possible. Faut choisir, hein. On choisit son camp. Enfin, plutôt, non, on le choisit pas. On vit dans un pays où 41 armes, 120 000 munitions sont retrouvées chez des néo-nazis dans l'indifférence totale des médias et où l'envoi de mousse à raser sur la tête d'un ancien ministre fait le tour de la presse. 4 juin 2022. Gérard Miller. Quand on dit « la grippe tue », ça ne veut pas dire que la grippe tue systématiquement, mais que ça arrive. Eh bien, quand on dit « la police tue », c'est pareil. Ça veut dire que tous les policiers, ça ne veut pas dire que tous les policiers tuent, mais que ça arrive et qu'on peut, à l'occasion, s'en inquiéter. Programme NUPES. Établir la garantie d'emploi. Créer une garantie de l'emploi. Tout chômeur de longue durée pourra se voir proposer un emploi utile dans un secteur d'urgence, rémunéré au moins au SMIC, financé par l'État et cohérent avec ses qualifications, son parcours professionnel et ses souhaits, ou suivre une formation qualifiante prise en charge à 100%. Voilà, progrès social, emploi, retraite, NUPES, ou NUPS, ou NUP. Voilà, voilà. Comment il fallait voter? Il fallait voter pour la NUP. Il fallait voter pour la NUP. Eh oui. Il aurait fallu voter pour la NUP. Plus. Nettement plus. Beaucoup plus. Franchement. Clairement. Franchement. Intelligemment. On lit partout que l'hôpital public va craquer, que tout s'effondre, que les soignants sont en burn-out. Burn-out. Was ist das? Et que la situation va s'aggraver. La situation est dramatique, c'est vrai, mais la vérité, c'est que l'hôpital ne s'effondrera pas. L'hôpital va tenir, l'hôpital tient toujours. Que se passera-t-il dans les prochains temps? Les gens se présenteront aux urgences et resteront sur des brancards pendant 1 jour, 2 jours, peut-être même 3. Les soignants continueront de courir et ne s'arrêteront pas. Ils seront débordés, malmenés, épuisés, sous la pression des cadences infernales et sans fin de la grande usine à soins. Il y en a une page comme ça. Je vous fais grâce du reste. Ça sera pour une autre fois. Voilà. Ben oui, ben il fallait voter intelligemment, que voulez-vous. Fallait voter intelligemment. Il faudrait voter intelligemment. Eh oui, parce que après la guerre de 70, la guerre de 14, la guerre de 39-45, la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, le chômage, 6 millions de chômeurs dans ce beau pays de France, dans ce pays hautement civilisé, extrêmement, extrêmement civilisé, ce beau pays. Si le SMIC avait augmenté aussi vite que le patrimoine des ultra-riches, il serait à 4805 euros net aujourd'hui. Voilà, le patrimoine des ultra-riches en 10 ans. France, plus 439%, plus 439%. Allemagne, plus 175%. États-Unis, plus 170%. Le patrimoine des ultra-riches en 10 ans. Britannique, plus 168%. Américain, plus 170%. Allemand, plus 175%. Français, plus 439%. Voilà, voilà. Ben, la preuve qu'on est des bons électeurs. Les bons électeurs. Si les électeurs avaient eu à voter pour Hitler ou pour Mussolini ou pour Franco, Hein? Qu'est-ce que vous croyez qu'ils auraient fait? Ben, ils auraient voté intelligemment, bien sûr. Ouais, le peuple français est le peuple le plus intelligent du monde. Alors, un food truck contre la précarité alimentaire étudiante. Food truck, was ist das? Is das the Französisch Wort? Pour les travailleurs du médico-social, le compte n'y est toujours pas. Selon l'agence Bloomberg, 20 entreprises européennes ont déjà ouvert des comptes auprès de Gazprom Bank. G-A-Z-P-R-O-M-B-A-N-K. Pour payer le gaz russe en convertissant des euros en roubles. Eh oui. À votre avis, pourquoi n'y a-t-il plus de sondages dans les médias, TV, depuis que la NUP est en tête? Point d'interrogation. Les candidats de la NUP en tête lors du premier tour des élections avec 31% des voix. C'est ce qu'annonce l'Institut de sondage Cluster 17 qui avait été le plus performant lors des élections présidentielles en plaçant très haut Jean-Luc Mélenchon dès le départ. On comprend mieux pourquoi Macron s'inquiète et les médias dénigrent notre programme, nos candidats, candidates. Voilà. Ben oui, bon, tu fais la presse. Entre 1939 et 1945, elle était comment la presse? Hein? Comment elle était la presse? Eh bien, elle était collabo. Ah oui, la presse est collabo, voyons. Ben, eh ben alors, la presse libre, est-ce que ça peut exister, la presse libre? Allons, les radios libres, vous avez vu, ils les ont toutes fait crever, à part quelques-unes, qui sont pas très libres d'ailleurs. Économiste Parlement Union Populaire. Nous, économistes, soutenons le programme économique de Jean-Luc Mélenchon. Plus de 160 enseignants et chercheurs en économie appartenant à des écoles de pensée différentes se prononcent dans cette tribune en faveur du programme économique de l'avenir en commun et soutiennent Jean-Luc Mélenchon. Gérard Filoche. Ne dites jamais, deux points ouvrant les guillemets, un patron vous donne du travail. Un patron ne donne jamais rien. Il achète votre force de travail et il fait le maximum de profit dessus. Ce n'est pas lui qui vous paye, c'est vous qui le payez. Gérald Darmanin. Pour maîtriser les familles qui manifestent, les gaz lacrymogènes sont lancés. Scandaleux. Je demande la démission du préfet de police. C'était Gérald Darmanin qui disait ça. C'était quand? Ah, ben c'était le 24 mars 2013. C'est normal. Ah, ben oui. En 33 ans, c'est-à-dire depuis 1986, la population française a augmenté de 13 millions d'habitants, soit une augmentation de 18,5%. En même temps, le nombre d'écoles a diminué de 24%, le nombre de perceptions de 31%, le nombre de gendarmeries a diminué de 13%, le nombre de gardes de 28% et celui des maternités de 48%, chiffre donné par la Gazette des communes. La réduction de la dépense publique, c'est ça. Alors, ben oui, ben faut voter bien, on a intérêt à voter bien, hein. On a drôlement intérêt à voter bien, on a intérêt à réfléchir beaucoup, beaucoup avant de voter, hein. Ah oui, oui, rapport Oxfam, un nouveau milliardaire toutes les 30 heures, 1 million de nouveaux pauvres toutes les 33 heures. La loi Kouchner, 20 ans après, 4 mars 2002, elle a gravé dans le marbre législatif les droits des patients et introduit la notion de démocratie sanitaire. Qu'en reste-t-il aujourd'hui? Point d'interrogation. Fraude fiscale chez GE. Le parquet national financier saisi. Alors GE, c'est General Electric. General Electric. Ah oui. C'est français ça. Ah oui, bah oui. Allez, bon. Désindustrialisation, j'aurais préféré ne pas avoir à la raconter, dit un économiste. Crise de l'hôpital public. 9 organisations de soignants appellent à une nouvelle journée de mobilisation ce mardi. Elles alertent, alors ça c'est déjà un peu ancien, hein, elles alertent sur la crise de l'hôpital public qui n'est plus en mesure, selon elles, de prendre en charge les patients. Au-delà des urgences, tous les services sont touchés. Mais les gens, ils votent comment? Ben, comme... bon, allez, on dit pas de gros mots, hein. Ah ben non. À l'hôpital, il n'y a plus personne, infirmier, membre de collectif interurgence. Soigner ne peut pas rimer avec rentabilité. Consultation citoyenne du CESE, hôpital public et santé pour tous. Oui, oui, ben oui, mais c'est des mots. C'est des mots, faudrait que ce soit des réalités. La France va payer le prix fort en achetant le pétrole aux Émirats Arabes Unis. Alors on va payer au prix fort en argent et autrement, de toutes sortes de manières. Eh oui, les Émirats Arabes Unis, ce sont des pays très civilisés, très très civilisés. Nouveau tir policier contre un automobiliste après refus d'obtempérer. Ouais, allez, sans commentaire, hein. Ah ben oui. Le procès de Platini et Blatter a commencé. Eh oui, le foot, ça sert à amuser les électeurs pour les amener à voter. Bon, allez, sans commentaire, hein. Mélenchon à Macron, la Constitution ne prévoit pas le droit aux caprices. Un moment solennel pour commémorer la fin du nazisme. C'était le 8 mai 2022 à Épinal. Commémorer la fin du nazisme. Oui, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Du nazisme, faut observer quand même, faut réfléchir. Hein. Chaos au Stade de France, tiens, le préfet reconnaît, entre guillemets, un échec. Oh là, lui. Oh là là là. Hein, hein, rien à voir avec les sujets évoqués précédemment. Non. Aucune relation. La centrale de Tricastin, dans le viseur de la justice, révélée ce jeudi 9 juin, une information judiciaire a été ouverte contre X, notamment pour non-déclaration d'incident ou d'accident dans le site de Tricastin, dans la Drôme. Elle fait suite à la plainte déposée à l'automne dernier par un ancien cadre à qui l'on a obligé de se taire à propos d'un incident grave qui aurait dû être déclaré obligatoirement. Les actions à la bourse, tiens. Quelle est l'action qui est en hausse? Eh ben, c'est pas EDF. EDF est à la baisse de 14,49%. Orange est en hausse de 24,34%. Ah oui. Oh, l'action est vaut quand même pas, bon, 11,70 hein, euros. Bon. Mais quelle est l'action qui est vraiment à la hausse? Quelle est la TF1, tiens. L'action vaut 7,71 €. Ah non, elle est à la baisse de 11,63%. L'action à la hausse, qui est toujours à la hausse depuis un bon moment, eh bien, c'est Dassault Aviation, plus 66,32%. Ben, vous voyez bien que les guerres, ça peut rapporter de l'argent à certains. Ça coûte la vie à beaucoup de monde. Bien sûr, beaucoup de souffrance d'un côté, mais beaucoup d'argent de l'autre côté. Ah, c'est ça l'équilibre de la balance commerciale. Et beaucoup de morts, beaucoup de souffrances d'un côté, beaucoup d'argent de l'autre côté. TGV, 15 ans après, les usagers applaudissent à Remiremont. Mais ceux qui ont les moyens de prendre le TGV. Voilà, ceux qui ont les moyens. Pas les chômeurs, hein. Les chômeurs, ben eux, ils n'ont qu'à faire du vélo. On fait du vélo. On fait du vélo. Voilà. Et ça résout tous les problèmes. Ça résout le chômage. Victime d'homonymie, elle doit 10 000 euros aux impôts. Ben oui. La direction départementale des finances publiques, confrontée à un cas rarissime, a reconnu son erreur. Et bien sûr, a réparé les dégâts et fait des excuses. Hein? Ah oui, ben c'est sûr, ils ont présenté des excuses. Hein? Allons. Assaut du Capitole. Trump fragilisé. Trump, das ist ein deutsches Wort, Trump, Trump, président des États-Unis. Les conclusions de la commission d'enquête sont claires. Le 6 janvier 2021, Donald Trump a incité ses partisans à renverser la démocratie lors de l'assaut au Capitole. Des accusations graves aux conséquences politiques incertaines pour le milliardaire encore très influent chez les républicains. Alors des gens qui se disent républicains et qui votent pour un individu comme ça, ils se trompent. Ils se trompent, ils trompent les électeurs. Jonathan Daval, en Franche-Comté, condamné à verser 160 000 euros. Jonathan, culture anglo-saxonne, point d'interrogation. Entré pour une coloscopie à Outsold. Outsold par les Vosges, hein, non. Entré pour une coloscopie, elle ressort avec le bras recousu. Entré pour une coloscopie, elle ressort avec le bras recousu. Hein, on a inventé des trucs comme ça, on se foutrait de nous, hein. Taïwan, au cœur de la crise Chine-USA. Une crise dans le détroit de Taïwan et une tentative d'invasion de l'île par l'armée populaire de libération auraient des conséquences économiques considérables pour l'ensemble du monde. Valérie Niquet, réponse. Si quiconque osait séparer Taïwan de la Chine, l'armée chinoise n'hésiterait pas un instant à déclencher une guerre, a déclaré ce vendredi le ministre chinois de la Défense. Déclaration à prendre au sérieux, à mon avis, à mon humble avis. Alors, les résultats des élections. Voilà. Résultats des élections. La gauche reste absente dans les campagnes. La NUP entendait rassembler les forces d'opposition. En Lorraine, les candidats de gauche ont séduit les circonscriptions des villes. Ils n'ont pas réussi à s'imposer dans les territoires ruraux comme la Meuse ou les Vosges. La Meuse ou les Vosges. C'est pas des départements artards. Non, c'est pas. C'est des départements modernes, la Meuse et les Vosges. Faut-il avoir peur des NBT, ces nouveaux OGM? On verra ça plus tard. Un couple d'entrepreneurs jugé pour une escroquerie estimée à 300 000 euros. Un couple d'entrepreneurs comparaissait ce mardi devant le tribunal d'Épinal. Gérant d'un centre de naturopathie, il lui était notamment reproché une escroquerie commise à l'encontre de la Poste. La société postale avait ainsi chiffré un préjudice théorique estimé à plus de 300 000 euros. Comme ça, faut voter autrement.